Première partie, chapitre 6e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint-François de Sales. Première partie, chapitre 6e. Qu'il faut premièrement purifier l'âme des péchés mortels. Le dégagement du péché doit être le premier soin de celui qui veut purifier son cœur. Et c'est ce que l'on fait dans le sacrement de pénitence. Cherchez le plus digne confesseur que vous pourrez trouver, ayant un de ces petits livres qui ont été faits pour aider à la conscience, dans l'examen qu'on doit faire de sa vie, comme Grenade, Bruno, Arias, Auger ou autres semblables. Lisez-les attentivement et remarquez de point en point en quoi vous avez offensé Dieu depuis l'usage de raison. Et si vous vous défiez de votre mémoire, écrivez ce que vous avez remarqué. Après cette recherche de vos péchés, détestez-les avec la contrition la plus vive et la plus parfaite que vous pourrez concevoir par la considération de ces quatre grands motifs. Que par le péché vous avez perdu la grâce de Dieu, abandonnez votre droit sur le paradis, méritez les peines éternelles de l'enfer et renoncez à tout l'amour de Dieu. Vous voyez bien, Philothée, que je vous parle d'une confession générale de toute la vie, et je vous avoue en même temps que je ne la crois pas toujours absolument nécessaire. Mais considérant l'utilité qu'elle porte pour ses commencements, je vous la conseille extrêmement. Il arrive souvent que les confessions ordinaires des personnes qui ont un certain train de vie commune sont pleines de grands défauts. On ne s'y prépare point, ou fort peu. L'on n'a pas la contrition requise. L'on va se confesser avec une secrète volonté de pécher, soit parce que l'on ne veut pas éviter les occasions du péché, soit parce que l'on n'est pas disposé à prendre tous les moyens nécessaires à l'amendement de notre vie. Et en tous ces cas-là, une confession générale est nécessaire pour assurer le salut. Mais, outre cela, elle nous donne une parfaite connaissance de nous-mêmes, elle nous remplit d'une confusion salutaire à la vue de tous nos péchés, elle soulage l'esprit de beaucoup d'inquiétudes, elle tranquillise la conscience, elle excite en nous plusieurs bonnes résolutions, elle nous fait admirer la miséricorde de Dieu qui nous a attendus avec tant de patience. Elle met notre Père spirituel en état de nous donner des avis plus convenables, et elle nous ouvre le cœur pour confesser nos péchés à l'avenir avec plus de confiance. Ainsi, Philothée, puisqu'il s'agit du renouvellement entier de votre vie et de la parfaite conversion de votre âme à Dieu, c'est avec raison, ce me semble, que je vous conseille de faire une confession générale. Fin du chapitre 6e. Première partie.